Donc c'est parti. Je suis un facho. Ouais. Un gros salaud. Ouais. Une crevure de toi. Ouais. Un vrai salopard. Ouais. Qui dit bonjour attends l'argent en retour. Qui dit bonjour attends l'argent en retour. C'est famille qui est très important. Presque autant que tout mon argent. Traditionnellement de père en fils, on planque de l'argent suisse. En parlant de tradition, cette importante tradition, ça permet de perpétuer toutes les conneries du passé. Ça permet de perpétuer toutes les conneries du passé. Car je t'en fais chaud, un gros salaud. Une crevure de voir, un vrai salopard. Qui dit bonjour mais qu'a ton argent en retour. Qui dit bonjour dans l'argent en retour. Je suis pas égoïste d'ailleurs, je pense souvent à tous mes amis longtemps. Surtout que depuis plus de 10 ans, la plupart me doivent un beau paquet d'argent. Je suis pas suicidaire, je suis trop utile au monde. Vous ne savez peut-être pas, c'est moi qui regarde la jambe sur mon passé d'étranger. Qu'il faudrait tous expulser sur mon passé d'étranger. Qu'il faudrait tous expulser. Mon amitié, je la vends. Ma vie, je la vends aussi. Mon temps, bah, c'est de l'argent. Ma mère, oh non, j'exagère. Sauf si c'est une bonne affaire. Oh non, j'exagère. Sauf si c'est une bonne affaire. Et quand passera le Front National, qu'on interdira enfin l'avion halal, qu'on réautorisera les combats de coq, et qu'on interdira enfin le rock. Plus du Wagner. Pèlerinage à Nuremberg, plus du Wagner. Pèlerinage à Nuremberg, plus que du Wagner. Pèlerinage à Nuremberg, au plus du Wagner. Pèlerinage à Nuremberg, petite moustache. Non. Bon, c'est pas... bon alors, on s'en fout que l'hectare soit accordé. C'est très très dégueulasse. Hein. Bon, on va faire avec. Bon. Soignez mon oreille. Non, mais ça. Non, mais... Voilà, alors, c'est une chanson country. Mets-le bien, parce que sinon ça va être pourri. Là. Voilà. Alors, vas-y, tu peux commencer l'intro si tu veux. D'accord. Bon, c'est une chanson country. Ça, vous allez finir par le savoir.